Welcome to Framework of Field. Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen. Framework Afield is a series of special editions curated and produced by guest artists from around the world. A new edition airs every second week, alternating with our usual Framework broadcasts. For more information, see our website at www.frameworkradio.net. This edition has been produced in Belgium by Vincent Dussaigne, using recordings made in abandoned mines in 2016. For more of his work, see his website at chorski.morkatu.org. That's chorski.morkitu.org. Thank you. saut, hein. Donc c'est une pompe, c'est pas le ventilateur. Et franchement, elle doit avoir un débit vu le potin qu'elle fait. Voilà. Pas facile pour les photos, hein. Neuf. 17-7. 17-6. On perd. Putain, il est bien. Il est H2S. Ah non. Oui, ça c'est. Ça c'est. On le fait tout de suite. 17-9. On n'est pas les seuls à merder ici. 17-3. 17-2. 17-1. 17. 16-9. 16-8. 100 ici. À mon avis, ça va nous emmerder. 16-9. Putain, mais c'est encore. On souffle là. Ah oui. 16-6. Ok, bah on laisse tomber. Ah non. Oh la vache, 15-8. 15-7. 15-7. 15-7. Un coup de torche vers le fond. Ouais, c'est pas de brume, il n'y a rien. Rien. Ok. 15-5. Est-ce qu'il est réglé à 16 hein? On souffle, hein?

Nous sommes dans une mine de fer. Il s'agit d'un atelier. Il y a un très long tuyau. Tu m'entends? Oui. Très bien. Alpha Tango Charlie.

Je te laisse le prendre. Thank you. You have been listening to Framework Afield. For more information, see our website at www.frameworkradio.net. Thanks for listening.